Catalyst Politics and Culture, now on Fridays, 9 a.m., expanded to 1 hour. More arts and documentaries, new features, Fridays, 9 a.m. Issues local to global on Catalyst, Fridays, 9 a.m. on KFAI, 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, online at kfai.org. Vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. You're listening to Bonjour Minnesota. I'm Carol. And I'm Olaf. Bonjour, Caril. Bonne année, Olaf. Bonne année, surtout, mais oui. C'est ce qu'il nous faut. C'est le 1er janvier. Alors, nous commençons tout de suite avec une Canadienne qui s'appelle Lucie Terrien. Elle va vous chanter plusieurs chansons de l'année nouvelle. Et elle va commencer avec C'est dans le temps du jour de l'an. C'est une ancienne chanson par Bolduc, une célèbre Canadienne des années 30. Et ça va être suivi par Bonhomme, Bonhomme. Et ensuite, au revoir. C'est dans le temps du jour de l'an qu'on se donne la main puis on s'embrasse. C'est le bon temps de profiter, ça arrive bien qu'une fois par année. Préparons-nous son père pour fêter le jour de l'an. Il va te faire des bonnes tourtières à un goût de l'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an qu'on se donne la main puis on s'embrasse. C'est le bon temps de profiter, ça arrive bien qu'une fois par année. Peinture ton compteur, va faire ta jument, on ira voir ta sœur dans le fond du cinquième rang. C'est dans le temps du jour de l'an qu'on se donne la main puis on s'embrasse. C'est bon temps de profiter, ça arrive bien qu'une fois par année. Y'en a qui prennent un verre, qui profitent de ce temps-là. Aujourd'hui ça coûte si cher, y'a tout le monde qui travaille pas. C'est dans le temps du jour de l'an qu'on se donne la main puis on s'embrasse. C'est le bon temps de profiter, ça y vient qu'une fois par année. C'est dans le temps du jour de l'an qu'on se donne la main puis on s'embrasse. C'est le bon temps de profiter, ça y vient qu'une fois par année. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de ce violon-là? Sais-tu jouer de ce violon-là? Zing, zing, zing de ce violon-là. Bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison quand nous y sommes. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de cette flûte-là? Sais-tu jouer de cette flûte-là? Flûte, flûte, flûte de cette flûte-là. Zing, zing, zing de ce violon-là. Bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison quand nous y sommes. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de ce tambour-là? Sais-tu jouer de ce tambour-là? Boum, boum, boum de ce tambour-là. Flûte, flûte, flûte de cette flûte-là. Zing, zing, zing de ce violon-là. Bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison quand nous y sommes. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de ce cornet-là? Sais-tu jouer de ce cornet-là? Ratatata de ce cornet-là. Boum, boum, boum de ce tambour-là. Flûte, flûte, flûte de cette flûte-là. Zing, zing, zing de ce violon-là. Bonhomme, Tu n'es pas maître dans ta maison quand nous y sommes. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de cette bouteille-là? Sais-tu jouer de cette bouteille-là? Glou, glou, glou de cette bouteille-là. Ratatata de ce cornet-là. Boum, boum, boum de ce tambour-là. Flûte, flûte, flûte de cette flûte-là. Zing, zing, zing de ce violon-là. Bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison quand nous y sommes. Bonhomme, bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison quand nous y sommes. Avant de nous quitter, amis, chantons avec amour. Gardons dans notre cœur l'espoir de nous revoir un jour. Ce n'est que nous revoir, amis. Ce n'est que nous revoir. Oui, nous reverrons. Well, we heard Lucie Terrien, a Canadian singer, and the first song was it's during those times or during the period of the new year, and it's called Bonhomme, Bonhomme, Little Man, Little Man. And the second one, of course, you recognized immediately, Au Revoir, that was Auld Lang Syne in French. So the first one, of course, is kind of an onomatopoeia. What is it? Onomatopoeia. Onomatopoeia. What it is? She sings about. Well, first of all, she sings about that during the New Year's celebrations, you can kiss or can be kissed. But then she goes through all of the instruments, the ta ta ta of the drum, the zing, zing, zing of the fiddle, the flute, and so on. All of these instruments that are being played on the at the occasion of the New Year. And have we said Happy New Year to our? Did we? Bonne année aux auditeurs. Bonne année, yes, in French and English certainly. Bonne Happy année. Happy New Year. Yeah. Mm-hmm. Happy New Year to our listeners in Arizona, John and Dave. Very good. Alors, maintenant quelque chose de plus moderne, Le Vent du Nord, un groupe qui était ici pour la fête. C'était la fête française? La fête de francophonie. La fête de francophonie au mois de septembre, je crois. Alors, ce sont des chansons modernes, bien que folkloriques. On va commencer avec Rosette. Écoutez bien les pieds, le rythme, suivi par Tour à bois. Oh, Rosette, petite Rosette, y'a ben longtemps que je t'ai pas vue. Oh, Rosette, petite Rosette, y'a ben longtemps que je t'ai pas vue. J'en ai eu des nouvelles du pays. Que tu n'étais pas sage comme tu me l'avais promis. Que tu n'étais pas sage comme tu me l'avais promis. Cher amant, n'écoutez point ça. J'ai toujours eu l'amitié pour toi. Cher amant, n'écoutez point ça. J'ai toujours eu l'amitié pour toi. Y'en est venu bien d'autres qui étaient de mon goût. Cher amant, pour te plaire, je les ai refusés. Refusais-tu, savais-tu pas que je t'aimais plus? Pourquoi belle et refusais-tu? Savais-tu pas que je t'aimais plus? Tu recevais plus mes lettres ni mes papiers marqués. Savais-tu pas où vous êtes?

de belles années. Et fixer les manches de bois fin. Troisième main, tout un tournant la pièce, faut guider le couteau. Et troisième main, tout un tournant la pièce, tour à tour, tour, tour, tour, tour à bois et tour de chien. Din-da-di-da, din-di-dam, din-di-dum-da, din-da-da. Din-da-di-da, din-di-dam, din-di-dum-da, din-da-da. Modeler les bennes à la bédane, modes anciens, anciennes. Modeler les bennes à la bédane. Finesse c'est fini, ça se raffine, un peu de brandy de paraffine. Finesse c'est fini, ça se raffine, tour à tour, tour, tour, tour, tour à bois et tour de chant. Din-da-di-da, din-di-dam, din-di-dum-da, din-da-da. Din-da-di-da, din-di-dam, din-di-dum-da, din-da-da. Forger à son tour le chant du bois, sonne et résonne les temps forts. Forger à son tour le chant du bois. Écoutez la chanson des tourneurs, tourneurs de balles qui font chanter. Écoutez la chanson des tourneurs, tour à tour, tour, tour, tour, tour à bois, tour de chant. Dum da di dum di dum di dum da di dum da di dum da di dum da di dum da. Greetings, Twin Cities. This is Linville Jackson, inviting you to join me every Saturday from 5 to 7 for Caribbean Jam. That's right, Caribbean Jam at a new time, 5 to 7, right here on Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM St. Paul, online at kfai.org. See you on the radio. Please tune in to Fresh Fruit, the longest-running queer radio show in the country, serving the LGBTQ community and friends, bringing you the best in all queer issues. Every Thursday from 7 p.m. to 8 p.m. Right here on KFAI, Radio Without Boundaries. 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul. On the web at www.kfai.org. Well, we continue with another group from Canada, Le Vent du Nord. And Le Vent du Nord is a group of four musicians, and they actually performed in late September, I think, in the Fête de Francophonie here in on the La Salle in the, at the La Salle High School. And they, of course, are both have very nice rhythms. And these, what they are called, podorythme. All these words we learn here, I mean, podorythme and then onomatopoeia. Oh, who knows what we'll come up with next. But anyway, podorythme is when you kind of stomp with your foot in the beat of the song that you're presenting. And you can hear this in their delivery. So, and the first one is Rosette. And poor Rosette, well, or whoever is... I don't know who is took the shorter straw there. He the singer sings, well, I haven't seen you lately. Have you forgotten me? I haven't forgotten you. But you promised all kind of things to me. And then he goes on and finally he says, well, maybe I was jealous, but now I will not have any more of you. And I have now a new friend, and my finger hurts on which I had the ring that you gave me or that I put on in your honor. But anyway, it's over now. So that was Rosette. Now she has to think about what she did wrong. And the other one is Tour à Bois. And that's more or less, it sings about the lathe turning wood into various kind of shapes and so on. And it's kind of more a trade song. So that's Le Vent du Nord and Rosette and Tour à Bois, the turner of wood on the wood lathe. Merci, Olaf. On anglais, I think it's interesting to note that there's a carrying on of the folklore music. And it's a huge following this group is. They're very, very popular in Canada. Yes, and they are resuscitating all kind of mm-hmm. folk songs from right. various areas of Canada, but especially Quebec and mm-hmm. the French-speaking oui. Parts. Alors maintenant, changement, on va écouter Patricia Kaas. Et Patricia Kaas est dans les nouvelles récemment. Et Olaf va vous dire après. Elle va vous chanter deux chansons d'abord. C'est Les mannequins d'osier, suivi par Les hommes qui passent. Patricia Kaas. D'osier. Jeter tous les mannequins d'osier du haut d'un grand pont, ces fantômes oubliés, ces ombres du passé qui nous espionnent. Faudrait pouvoir brûler les visages adorés de notre enfance.

ne donne jamais rien que de l'argent. Les hommes qui parlent, maman, ont des sourires qui sont un peu comme des grimaces, maman. Les hommes qui parlent, troublants, me laissent toujours avec mes rêves et mes angoisses d'avant. Les hommes qui parlent, pourtant, qu'est-ce que j'aimerais. You heard Patricia Kaas. She is a singer, well-known singer, one foot in France, one foot in Germany, or maybe just a toe. But anyway, she is both of French and German parentage. Now, the first one, Les Mannequins d'Osier. The mannequins out of willow, out of woven willows. I mean, this is kind of a interesting thing. I mean, they used to make baskets out of willows by weaving them. And here, apparently, you can also make mannequins out of willow. And so she sings about how they walk by along the river all by themselves. And basically, I mean, mannequins made out of braided willows. This is a far cry from the mannequins that you may have seen recently that actually are in stores that actually have eyes, have photovoltaic cells in their eyes, so they can check everything that you do and yeah, check and see whether you're interested by whatever they're wearing or not wearing. So that's a long cry. I mean, they are not made out of basket willows and whatever. Anyway, high tech. The next one is Les Hommes qui passent, the men who walk by or walk through our lives. And she then addresses her mother. Les Hommes qui passent, maman. The men who walk by, mama. These are musicians and artists and so on and so on. Their smiles are like sneers, like frozen sneers. They don't give anything except for money. And I would like, the singer says she would like to have a nice room. She would like to be appreciated. But apparently these men who are passing by, and it's unclear if they are going through her life or through the life of her mother. But anyway, this is not a very satisfying situation. So, elle est célèbre pour les blues. Mademoiselle chante les blues. C'est un de ses albums, oui. Patricia Kaas, yes. Oui, Patricia and, Kaas. And I'll say just a couple of words right now. I mean, since we are at Patricia Kaas, and this comes from RFI, and l'hommage de Patricia Kaas à Edith Piaf. À la veille du cinquantenaire de la disparition d'Edith Piaf, Patricia Kaas inaugure la longue liste de célébrations à venir avec Kaas chante Piaf, un album hommage enregistré avec le Royal Philharmonic Orchestra de Londres, sous la direction d'Abel Kozorenowski, avant de consacrer à la môme tout un spectacle sur scène. Donc c'est assez remarquable. So, this is Patricia Kaas, is giving homage to Edith Piaf, and she is actually, she has produced a album called Cass Sings Piaf, and then she is going to be on scene on the stage singing songs by Piaf. And what she says is, of course, is Piaf is so well known throughout the world that she felt that she needed to do something. And so this year, this will be 50 years since Edith Piaf disappeared. And she sings, and then she says, she was asked, I mean, how do you do this? And aren't you a little bit, isn't it a little bit scary to try to do Edith Piaf? And she says, yes, I mean, it is scary, because obviously no one can totally imitate Edith Piaf. But she says Patricia Cass, says she's very disciplined, so she is working very hard on all of these. And she said, this is maybe part of my German heritage, that she's so disciplined. She says, Edith Piaf was going to the extreme every time. And she says, well, she died, she was 47 years old. And she said, well, that's 47, she'll be, Patricia Cass will be 47 when she has finished the tour. And she said, the main thing is, she on this tour, there will be, she had to select a number of songs. She says 430 songs by Piaf, out of which she had to make a selection. She says she doesn't like too much the fanion, the songs that had to do with the legion, with the legionnaire and dying in the desert and the sun and so on and so on. But the other ones, so she's making a selection, and she will go on stage and on tour through France and probably the world. So this is Patricia Cass and her homage to Edith Piaf. And actually, it's quite astonishing. So here we have the Philharmonic Orchestra of London under Abel Kozeniowski, who's providing, I mean, the instrumental music. And that's quite a thing. I don't know if any Piaf has been presented with a symphonic orchestra. Some of them. Okay, of them, but anyway, this is going to be very interesting to see what comes out of it. And of course, her album Cass Chante Piaf has appeared already. So maybe we can get a hold of that. Pardon? Maybe we can get our hands on it. Yes. And now we've heard Casson, let's maybe hear Edith Piaf, a couple of songs. Well, first of all, if you'd like to give us a call, our number here in the studio when the music is on is 612-341-0980. That's 612-341-0980. Et voici Edith Piaf, deux chansons. D'abord, J'ai dansé avec l'amour. Et ça va être suivi par une chanson très célèbre, L'accordioniste. Avec l'amour, j'ai fait des tours. Ce fut un soir merveilleux, je ne voyais que tes yeux si bleus, tes cheveux couleur de blanc, lui et moi, que c'était bon. Tant d'amour.

work goes back to one of the little dance halls in the suburbs of Paris and listens to the accordion player, and she dances the Java with him. She doesn't see anything around her, and they are totally in love. And so, but then, as most of these love stories go with Edith Piaf, the poor guy is drafted and dies in the war and doesn't come back. And here she is now alone, and things are getting worse and worse. And she does go at once to another dance hall, but she can't stand it. And then she says, "Arrêtez la musique." She cries out, "Stop the music." Well, poor girl. Ben oui, c'est toujours triste un peu avec Piaf. Hein? Bon, alors, if somebody's trying to call us, wait until the music's on. We're getting a signal that the phone is ringing, but the phone is not lighting up. So, and the number here is 612-341-0980. That's 612-341-0980. Yeah. Maintenant, on va écouter encore des chansons, ou tu veux faire cette spéciale? Let's start a part of the. D'accord. On va faire trouver quelque chose d'intéressant sur les vitres. Les vitres. Yes, and this spécialité is spécialité de la nouvelle an. De la réveillon de. De la nouvelle de Saint Sylvestre, le Nouvel An. This is a program that actually is part of a larger program that comes every every week. It's called Les Mots qui Dansent, Dancing Words, and it investigates the various types of meanings of words and so on. In usually in a very nice and instructive fashion. So, what we're going to hear today has to do with huîtres, with oysters, and it's the organizer of the show. He is interviewing owners and managers of a restaurant or chefs of a restaurant on Place Clichy, who is specializing in fruits de mer and oysters and so on. So he will give you some inside information about oysters, how to deal with them, what to drink with them, not that you're drinking with oysters. I mean, you're drinking what you drink while you eat oysters. Bravo. I mean, the only ones who have bonne clarification. Who have been who talk actually to oysters is the walrus and the carpenter from. But anyway, these are real oysters that will be consumed. So let's hear this. Let's hear the first part of it. Bonjour et bienvenue dans la danse des mots pour ces fêtes de fin d'année, puisque la fin d'année approche à grands pas et que c'est très souvent quelque chose qu'on fête. Et on fête ça en buvant, parfois un tout petit peu plus que de coutume, pas beaucoup mais un petit peu, et en mangeant des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, et en particulier des nourritures de fête. Alors les nourritures de fête bien sûr ne sont pas les mêmes selon les latitudes où on se trouve, selon les pays, et souvent, notamment en Europe de l'Ouest et en France, il faut bien le dire, on aime bien les huîtres. Alors je suis ici chez Veplaire, et Veplaire est une des grandes brasseries de tradition qui est située Place Clichy, c'est-à-dire à peu près au cœur de Paris, c'est au nord de la capitale, et j'ai en face de moi Philippe Pézac, qui est le chef écaillé de chez Veplaire, puisque chez Veplaire, on mange très souvent des fruits de mer, et en particulier des huîtres. Philippe Pézac, vous êtes chef écaillé. Un mot quand même sur ce terme étonnant. Qu'est-ce que c'est qu'un chef, on le sait, mais un écaillé ? Alors un écaillier, bah, c'est une personne qui est, dont le métier est d'ouvrir tous les coquillages, donc les huîtres et tous les autres coquillages et crustacés pour préparer des plateaux de fruits de mer pour les clients dans les brasseries. Et donc en général, ça s'ouvre au dernier moment. Ah oui, parce que si vous ouvrez, évidemment, ce sont des êtres, c'est une spécificité des huîtres et des coquillages, ça se mange vivant en France. Donc le particularisme, c'est ça, c'est de pouvoir les ouvrir le plus tard possible pour qu'ils soient le plus frais possible pour les clients, en fait. Oui, donc dès ouvertes, on peut les manger, mais on ne les ouvre pas à l'avance. Ah non, on ne les ouvre pas à l'avance, sinon elles vont sécher. Si vous rencontrez une huître qui est toute sèche, c'est qu'elle a dû être ouverte il y a quelques heures. Il y a des chances qu'on soit malade après en la mangeant. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on regarde dans une belle huître pour voir justement qu'elle est bien fraîche? Qu'est-ce que l'œil de l'écaillé que vous êtes va regarder en premier? Alors bah, déjà, en l'ouvrant, on voit déjà si elle est pleine d'eau. Si elle est pleine d'eau, c'est déjà bon signe. Si elle est bien enveloppée et tout, tout va bien. Si on voit qu'il y a un peu... Dites bien enveloppée alors. Vous vous dites, oh ben voilà une huître bien enveloppée. Ou bien charnue, bien faite, on va dire, qui se tient bien dans sa coquille en fait, on va dire. Si on la sent un peu plus, avec un peu moins d'eau, ou alors un peu plus renfermée sur elle-même, on va dire. Là, dans ce cas-là, on a tendance à attendre de voir si elle refait l'eau. Parce que la particularité d'une huître, qui est un bivalve filtreur, c'est-à-dire qu'elle refait son eau. Et l'eau qu'elle refait, c'est une eau pure sans impureté. Donc si vous avez une huître qui ne refait pas son eau, là, dans ce cas-là, vaut mieux pas la manger. Ça veut dire qu'en théorie, elle a beau être vivante, elle est fatiguée. Donc vaut mieux pas la manger, quoi. Alors, je m'arrête quand même sur cette formule qui, bien sûr, m'intéresse beaucoup. Un bivalve filtré. Qu'est-ce que c'est que ça, bivalve filtré? Ben alors, un bivalve, deux valves. Vous avez la coquille inférieure, creuse. Enfin, il y a deux espèces d'huîtres sur la Terre, il y a les creuses et les plates. Mais donc vous avez toujours deux coquilles, une coquille en dessous où vous allez avoir l'animal, et une coquille par-dessus qui se referme, donc bivalve. Et qui sert un peu de couvercle alors. Et qui sert de couvercle, voilà, c'est ça, ouais. Bivalve, parce qu'il y a donc ces deux valves qui sont les deux parties de la coquille? Voilà, c'est ça. Et filtré, pourquoi? Ah ben filtreur, après c'est... Ou filtreur, oui. Enfin, ou filtré comme vous voulez. Ben là, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, elle se nourrit de plancton, de phytoplancton, je ne dis pas de bêtises. Et donc, elle filtre l'eau de la mer pour se nourrir et après, elle rejette. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un bivalve filtreur, quoi. Et alors, vous dites que les huîtres, elles font de l'eau. Elles font de l'eau, c'est-à-dire qu'elles produisent leur propre eau. Ah oui, voilà, c'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'elles, contrairement à nous, je crois qu'on est dans les 73-74... d'eau, eux, elles sont à 97, quoi. Donc, si vous voulez... Ah oui, donc, dans une huître, il y a 97% d'eau et 3% d'huître. On pourrait dire ça comme ça. Non, mais, non, parce que l'eau fait partie, en fait, de la structure même de la chair de l'huître. Mais c'est sûr que si on assèche une huître et tout, il reste plus grand-chose. Parce que vous avez quand même, quand on mange une huître, vous avez le goût de la mer en bouche... Ouais. Et qu'est-ce qu'on mange alors? On mange le muscle. Je vous dis ça parce qu'on sait que les moules, ce sont des muscles. Et même le mot de moule est de la même racine que le mot muscle. Est-ce que c'est la même chose pour l'huître? Ah oui, mais alors la particularité, dans l'huître, vous avez ce qu'on appelle le muscle adducteur. C'est ce muscle qui va permettre aux deux valves de se refermer. Sinon, l'huître, elle ne pourrait pas, pour se nourrir, elle s'ouvre, elle filtre. Et donc ce muscle adducteur là, qui est une partie blanche et grise, blanchâtre, qui fait un peu rond, il y a des gens qui ont tendance à pas la manger, alors que moi je préconise aux gens de la manger parce que c'est là où au niveau vitamine vous allez avoir le plus d'apport en fait, quoi. Donc en fait si vous mangez la partie, le reste de l'huître, mais pas ce muscle adducteur qui a quand même un goût particulier, je trouve ça dommage, quoi. Donc ce qu'on mange en fait c'est le muscle qui sert à refermer les deux valves. Ben c'est le muscle qui sert à refermer deux valves, plus l'huître en elle-même, parce que toute la partie avec son manteau, ses branchies, c'est un animal, c'est un être à part aussi. Alors, des sortes d'huîtres, il y en a pas mal. Comment on les catégorise? Vous disiez il y a un instant qu'on distinguait les huîtres creuses et les huîtres plates. Voilà, là, il y a deux espèces d'huîtres, c'est la creuse et la plate. Après, il y a plein de sortes d'huîtres. Vous en trouvez un peu partout dans le monde, hein. Vous en avez aux États-Unis, on en a au Japon, en Chine, en Asie, et donc nous en Europe aussi. Et alors par exemple en France, vous avez quand même 7 sections régionales, donc 7 endroits différents, Méditerranée, Marais-Oléron, Arcachon, Aquitaine, la Bretagne Sud, la Bretagne Nord, la Normandie. Donc vous avez vraiment plein d'endroits différents. Et c'est un peu comme les vignobles, quoi. Après, vous allez avoir des goûts différents, dans le palais, on peut avoir plus de salé, plus de gouléant, plus de... Qu'est-ce qu'on appelle le gouléant pour une huître? Ben en fait, parce que vous allez avoir des huîtres qui vont être très fortes en goût, qui vont être très salées. Toutes les huîtres de Méditerranée. Alors, on va dire que c'est une généralité, mais après, en pratique, des fois, on peut trouver des huîtres qui vont être douces. Hein. Mais en général, quand elles viennent de la Méditerranée, elles sont plus salées. Voilà. Les huîtres qui arrivent de la Méditerranée ou les huîtres qui arrivent de l'étang de Thau, qui sont du sud-est de la France, celles-là sont quand même assez salées. Arcachon va être aussi salé. Marais-Oléron, peut-être un peu moins. Et après, plus on remonte en Normandie, moi, je les trouve plus douces en goût. Et très souvent, donc, elles sont nommées d'après leur origine. Ah oui, bah, de toute façon, il y a des obligations légales qui font que vous avez des appellations d'origine contrôlée, vous avez des marques collectives. Marais-Oléron, c'est une marque collective. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un ostréiculteur puisse appeler ses huîtres Marais-Oléron, il a un cahier des charges à tenir et qui est assez rigoureux. Les huîtres doivent passer tant de temps, tant de mois ou tant de semaines dans des bassins qu'on appelle les clairs. C'est pour ça qu'on appelle ça les fines de clair ou les spéciales de clair de Marais-Oléron. C'est un bassin naturel en argile qui retient l'eau. Et donc, ces huîtres vont rester pendant des semaines, ce qui va leur donner leur goût spécifique. Celles qu'on appelle les clairs, elles viennent toujours alors de cette région Marais-Oléron. Il n'y a pas de clairs qui viennent d'ailleurs. Si, bien sûr. Parce que du moment où vous avez un bassin qui va être reconnu comme une claire, on peut en avoir je sais qu'il en existe en Vendée, il y en a peut-être d'autres endroits en France. Donc, on les appelle des fines de clair. Voilà. Fines, parce que ce sont des huîtres fines. Ça, c'est un adjectif qu'on emploie souvent. Alors, c'est une autre chose. Vous allez avoir les huîtres fines, qui ont un taux de chair, et après vous avez les huîtres spéciales qui ont un taux de chair supérieur à, si je me souviens, c'est 12,5, 13,5, pour pas dire de bêtises. Donc une fine, ça veut dire une huître simple, normale, qui va avoir le goût de la mer. Et après vous allez avoir une huître spéciale qui va dépasser donc un taux de chair à 12,5 ou 13,5 en pourcentage. Et après, qui va être beaucoup plus charnu. C'est une huître qui va être bien blanche, bien pleine, et où on va avoir un goût plus sucré que salé. Vous allez retrouver le petit goût de noisette dans les spéciales. Alors que si vous préférez avoir le goût de la mer en bouche, bah vous prenez une fine, c'est très bien, quoi. Et les spéciales, souvent, sont plus recherchées que les fines. Non, ça dépend des goûts, ça dépend vraiment des goûts. Hein. Moi, j'adore les spéciales. Ma femme ne mangera pas. Elle préfère les fines. C'est-à-dire que moi, j'adore ce goût. Donc sucré. Une douzaine pour chacun, là. Voilà. Exactement. Et les spéciales sont plus sucrées. Ben voilà, les spéciales, vous avez plus de glycogène en fait. Ah ça, je sais pas ce que c'est que le glycogène. Je suis désolé, mais vous allez m'expliquer. Hein. Ben en fait, souvent les gens disent qu'ils aiment les huîtres grasses, mais en fait, il y a pas de graisse dans l'huître. Justement, donc, c'est une métaphore, c'est une image de dire voilà. Qu'une huître est grasse, parce que très souvent, on entend dire ça. Une bonne huître, elle est bien grasse, c'est-à-dire que d'abord, elle est relativement charnue, on a de quoi manger, et puis elle s'étale un peu. Enfin, ça c'est une texture très spéciale. C'est parlant quand on dit qu'une huître est grasse. Voilà. Mais là, vous avez eu raison de dire qu'elle est charnue. Elle est soit charnue, et dans ce cas-là, quand elles sont bien charnues, ce sont les spéciales. Et après, il y a aussi une période de l'année où elle est en période de laitance, c'est-à-dire la période de reproduction. Et là, ce n'est pas toute la partie de l'huître, mais c'est juste une poche qu'on trouve sur un côté où vous allez avoir les gamètes mâles ou les gamètes femelles selon qu'elle est mâle. C'est ça la laitance, en fait. C'est ce qui sert à se reproduire. C'est les gamètes mâles ou gamètes femelles, c'est les spermatozoïdes. J'allais dire oui, c'est du sperme d'huître, ouais, la laitance. Si c'est une huître mâle. On voit bien que je ne suis pas un spécialiste, hein, parce que je ne me hasarderais pas à dire ça. Devant une assemblée scientifique. Mais en gros, c'est ça la fonction. Oui, mais c'est ça la fonction, c'est ça. C'est ça. La laitance, c'est vraiment les gamètes, oui, les gamètes pâles ou les gamètes femelles. Ouais. La chanson. Voilà. Et tu reprends après avec cette manche. All right, you heard an exposé by Yvon Amar, who directs the program Danse des mots. And he was talking to the chef and écaillé of the restaurant Epler on the Place Clichy. And écailleur is someone who opens oysters. And whoever has tried himself to open an oyster is kind of, you know how difficult this is. So the discussion, of course, as I mentioned, has to do with what kind of oysters are there, where do they occur. In France, they have 7 regions, and you'll hear later on that they are just like the wines. They have a pays d'origine or a bay d'origine, and these are in Brittany, in Normandy, in the Vendée, in Oléron, and then in the southern, near the Mediterranean, Arcachon is near Bordeaux, but in the Mediterranean, and the idea of this, what they came up with is that oysters from the Mediterranean are saltier than the others that they have, and this particular little discussion about the huître is I'm dedicating it to Nelly, who is gourmande des huîtres, and she told me lastly, she was trying to get some and couldn't get them. So I hope at least this will whet her appetite, and we'll hear more about the huître. But now we are getting close to the top of the hour. Well, yes, and it's time to tell you, you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90,3 FM, Minneapolis, et 106,7 FM, St. Paul, Radio Sans Frontières. Et l'heure est maintenant exactement... Il est presque 9h pile ici. Mais bien sûr, on est toujours exact à l'heure. On est pile. Donc c'est 9h, 21h dans le système 24h. Et 4h le matin à Paris. 4h du matin. Ben oui, alors merci beaucoup, Christina, d'avoir téléphoné. C'est toujours bien de recevoir des coups de téléphone. Et thank you so much, Ray, for calling. The rest of you, and for Christina, the rest of you, if you'd like to give us a call when the music is on, call us at 612-341-0980. Alors, est-ce qu'on écoute un peu de musique ou est-ce qu'on... continue avec les huîtres. Un peu de musique d'abord, et puis après on aura encore les huîtres. C'est intéressant ce que vous allez écouter. C'est Harry Belafonte qui chante en français. Alors il y a une série de 3-4 chansons avec le sujet du Dieu. Et je croyais que c'était bien la saison. Donc voilà Harry Belafonte qui va vous chanter « Merci, bon Dieu ». Et ça va être suivi par Jacques Brel, « Le bon Dieu ». Merci bon Dieu, gardez tout ça là, n'a tout pouté pour nous. Merci bon Dieu, gardez comment la misère finit pour nous. Merci bon Dieu, gardez tout ça là, n'a tout pouté pour nous. Merci bon Dieu. Gardez comment la misère finit pour nous. La pluie tombée, maïs poussé, tout y manque qui congo, pour aller manger. À nos danser congo, à nos danser pétro. Papa bon Dieu dit na ciel la misère finit pour nous, misère finit pour nous, misère finit pour nous, misère nous finit. Merci bon Dieu, gardez tout ça là na tout pour nous. Merci bon Dieu. Gardez comment la misère finit pour nous. Merci bon Dieu. Gardez tout ça là, n'a tout pouté pour nous. Merci bon Dieu. Gade kouma la mize fini pou nou. La pli tombe, pa yi pousse. Touti manki grango, pralè manje. A nou danse Congo, a nou danse Petro. Papa bondi a dina siè la mize fini pou nou. Mize fini pou nou, mize fini pou nou, mize fini pou nou. Zé no fini. Merci bon Dieu. Merci bon Dieu. Gardez tout ça là na tout pour te pour nous, pour te pour nous, pour te pour nous. Thank you. es un homme. Tu es un homme. We heard two songs about God. And the first one by Harry Belafonte in French, quite a feat, and in which he thanks God for everything he does. I mean, or she, that is the rain that falls, the corn that grows and makes their happiness and prosperity, and then it gets them out of misery and so on. And Belafonte is a little bit more specific. He says, well, if you were God, then you'd let the old folks dance a waltz near the stars. If you were God, you wouldn't be so so you would have much more blue skies. But you are much more. You are a person. You are a man. And basically, the two titles are: the first, Harry Belafonte, is Merci Bon Dieu, and Thank You God. And the Jacques Brel is Le Bon Dieu. There's a subtle difference between in France when you talk about Le Bon Dieu and Dieu. Dieu is more ceremonial. Bon Dieu is a little bit more colloquial and establishes a relationship somewhat of a, friendly type relationship. And the same words also exist in German, Gott and lieber Gott. And the difference is that the second one is one that you can, Bon Dieu is a address you can have, which is much less formal and much less intimidating than if you were to talk directly to God. Voici une annonce. February is Black History Month, and KFAI will celebrate with a special day of programming on Tuesday, February 19th. The station is looking for dynamic, live programming produced by African Americans that explores the history of our people in America. KFAI would like to invite community members to participate in this year's program. If you or your organization is interested in producing a program for this special day of programming, please visit kfai.org/BHM2013 to apply online or download an application. The deadline for submissions is Tuesday, January 29th at 5 p.m. If you have any questions or would like an application mailed to you, please contact Miguel Vargas at 612-341-3144, extension 20. All right, so we will hear two more songs, one by J.P. Nataf, Mon Ami d'en haut, my friend up there, and Pascal Lejeune, Bilingue en Paris. And these two, so this will conclude the four pieces that we had about songs of Le Bon Dieu. And le dernier n'est pas vraiment du bon Dieu. Le dernier, le passe bilingue in Paris. Oh, okay. Sorry about this. Oui. Ben, le voilà. J.P. Nataf, Mon Ami d'en haut. À mon ami d'en haut, quand il était chapeau. À mon ami d'en haut, à ce qu'il fut maître. à mon ami d'en haut. On se reparlera bientôt. Tes loques sur mon dos, tes ailes dans ma peau. Car mon ami là-haut, c'est rien à vol d'oiseau. Nous n'en resterons pas là. Nous n'en reviendrons pas d'être nés à nés. De ne pas être mort idiot. De printemps à ceux d'automne au fado. Quand la vie dure longtemps, longtemps la vie dure. Et que vivre donne chaud avant de quitter le monde. Une à une, de passer encore un Noël. Les saisons passent, j'imagine, nous n'en resterons pas là. Nous n'avons apparemment pas l'heure de décider. A-t-on idée, a-t-on se dérober à l'heure de se parler bien. Paris, sous la pluie, on s'est embrassé en anglais. On s'est embrassé et tu pleurais. Mais rien n'a paru, tes larmes sont disparues avec l'air. Adresse. where I'm going, you just can't come with me. Where I'm going, you cannot come, my chérie. We heard J.P. Nataf in Mon Ami Da, oh, my friend up there, and Pascal Lejeune, bilingue en Paris. Well, Nataf's Mon Ami D'en Haut, my friend up there, it's not totally clear, I mean, what he means by who is his friend up there. And so it's a little bit... questionable. I mean, is it a question? Who is this? I mean, but especially if it were God, then he, at the end he says "à bientôt," meaning we'll see you pretty soon. Well, I mean, I wouldn't then be so happy singing. I mean, if that means you have to take off from the earth. Anyway, that was Nataf, and then Pascal Lejeune, bilingue à Paris. This is a story about bilingual Paris, and it's there on somehow or other a Frenchman and an English girl. They meet under or have to seek refuge under an umbrella while it's raining. And well, so they talk, he in French and she in English. And well, her tears disappear and she cried a little bit. But so then he says, well, they took a taxi and parted on the Champs-Élysées without exchanging their addresses. I mean, you are going where you can't go. You can't come with me. You can't go where I'm going. Well, that's a kind of a sorry outcome of an otherwise, who knows, a very possibilities, I mean, of meeting someone under your umbrella. It's raining. I mean, what more romantic can you get? Anyway, this is Bilingue à Paris, and that will lead us very nicely into the Bivalve des Huîtres, which we are going to hear the next section of our discussion with about the oysters. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Je suis en peine de quitter la mer et ma maison. La danse des mots, Yvan Amar. Philippe Pézac, celui qui cultive les huîtres, c'est un ostréiculteur. Voilà, exactement. Mon ce qui veut dire que... Ah oui, on est ostréiculteur de père en fils dans votre famille. Et moi, malheureusement, je me suis plus orienté sur des études parce que je trouvais que c'était un métier très difficile, quoi.

il vient inoculer quelque chose à l'endroit où ça va permettre à l'huître de se défendre et donc de faire une perle qui va être magnifique, comme les perles de Tahiti. Donc c'est pas vraiment du gavage d'huître, mais ça veut dire qu'on met quelque chose à l'intérieur de l'huître qui va la déranger pour qu'elle sécrète un produit autour de ce qui vient s'établir là où il devrait pas être. Ben voilà, c'est ça, oui, exactement. Okay, well, you heard Mr. Persak talk about oysters, and he is an oyster. Well, he is not. He is actually only in a bistro. He has bistro and opens up oysters, but the people who are actually growing them are called the oystericulteurs, and this is like more or less like agriculture. They have 36 months to become fat, and well, he's asked, said they there's no fat in oysters. They become really nice and plump. That's maybe the better word. And he talks about how he deals with them, and then he's asked by Yvon Amar, what about the dozen oysters or 13 oysters, and he says, well, if they are served in the restaurant and they are opened there, he serves 12 because he knows that they're all good, or if there's not one that's good, he throws it away and opens another one. But if some people want to take them home, then he gives them 13 à la douzaine, 13 to the dozen. Well, like we talk about the baker's dozen, right? So then, in case that there's one that is not too good, so that there will be at least the 12 viable ones. So, and then they talk about how to transport them in various packages, and the one that is specifically for oysters is called la bourriche. And they end the discussion with a discussion about pearls, and basically pearls. Yes, they occur, says Mr. Pesac, but not in our latitudes. It's not nothing. It's just an impurity. And the oyster tries to protect itself against these impurities by creating mother of pearl around it. And only in Tahiti and Japan do they have oysters that have been prepared in such a way that these beautiful pearls are being produced. Une dernière question, Olaf. Est-ce que toi, tu aimes les huîtres? Oui, bien sûr. mais je le savais bien. On a mangé pas mal de huîtres là, même comme pour petit déjeuner en Normandie, dans un des endroits les plus connus pour les huîtres. Le nom m'échappe, mais ils avaient des bassins. Qu'on voyait dans la marée là, et puis il y avait une espèce de stand ou une espèce de comptoir en haut, et puis on pouvait manger, mais ça c'était évidemment, c'est extrêmement bien. Ils sortent du mer, de la mer, et puis on les ouvre et puis on les consomme. I'll say this in English. I remember seeing you eat 13 of them at 10 o'clock in the morning, raw. Well, that's the way you have to eat them. I mean, who cooks oysters? Well, Mr. Rockefeller, of course. Oui, oysters Rockefeller. He didn't like them raw either, I suppose. No, moi non plus. The first time I had them at a réveillon, I was completely in the dark about how to eat an oyster. So my French friends told me, well, it was already opened. You just loosen it with your knife, and then you squirt a little lemon juice on it. I did, and it jumped. It moved. Yes. Well, I did swallow one, but I decided I would pass them on to my French friends. So you have to kind of slurp them. You do. You can't chew them. Alors, voici une annonce. Do you like KFAI? Tell your friends to like us on Facebook. Tag KFAI in your status update. Thanks for tuning in and logging on to your online community radio. where I'm just president of my dark little apocalypse, and I approve this message. Hi, this is Dominique, inviting you to tune in to Caribbean Jam with my daddy, Limbo Jackson, every Saturday from 5 to 7 right here on KFAI Radio, 90.3 and 106.7 FM, Minneapolis and St. Paul. Petite cantate. J'ai des annonces aussi. Ah, oui. A couple of announcements here before we get back to our music. There are several wonderful films on. Of course, Les Misérables is the one that's capturing all the publicity. It received 4 stars from the local critic. It is the sung musical of the famous novel by Victor Hugo taking place during the French Revolution. It stars, Russell Crowe, Hugh Jackman, Anne Hathaway, and Amanda Seyfried, and it's playing in many, many movie houses all over. But it is, of course, sung in English, so... It's sung in English, of course, and the amazing thing was is that they didn't do this back in the studio. They sang while they were acting, which is quite interesting. But as for real French films, there is a new one by Jacques Audiard. And Jacques Audiard was the director of Un Prophète. Un Prophète, yes. We interviewed him when he was here in town. It was Un Prophète is, I thought it was an excellent movie in the type. It was a, would you call it a film noir? A film noir. It was, some of it was kind of hard to watch, you know. Yes, it was. Yes, but it was very, very realistic and very good film. Of a young man sent to prison where he really became a hardened criminal. Yeah. Mm-hmm. This one that's out now is going to be outstanding. It stars Marion Cotillard, the one who starred in the life story of Edith Piaf, La Vie en Rose, and Matthias Schoenaerts. That must be German. You think so? It could also be Dutch or Belgian. Could I mean, be. Yes. The film is called, in English, Rust and Bone, Rue et Os. It's on right now at the Uptown, as is the Lagoon is showing Les Misérables, but at the Uptown, and let's see, where else? I think only at one. Yes, only at the Uptown. Yep. But the thing is, you better call these places the landmark theaters because they switch them from one to the other often. So you better check that with landmark theaters. Or check online or... Yeah, online also. And your newspaper. That's then at the Uptown. The usual day they change is Friday. Then another one at the Film Society of St. Anthony Main Theater is called Sister, L'Enfant d'en Haut. I don't know anything about that one. It's about a young man. It's a Swiss film. I mean, French-speaking Swiss film. It's about a young kid who is kind of supporting his sister, doing all kind of funny things, and he goes up to the ski lifts and tries to steals ski equipment and so on from the people up there, and then he sells it back in his village. Then the end is somewhat, it's a kind of interesting. We won't reveal the end. I mean, it is listed under 4 stars rating. Yeah. So excellent films. Always something going on at the Alliance Française. Many exciting things. They are having an annual campaign. It's not too late to give to the Alliance Française, which has done so very, very much. They have a goal of 25,000, and you can help them reach that goal. You can send it to 113 First Street North, Minneapolis. That is your gift, 55401, or go online at bonjour@afmsp.org. Their phone number also is 612-332-0436. Winter session starts the 7th, Monday, and will run through March 16th. So If you're curious and want to brush up on your French, there's a class for almost anything. On this coming Wednesday, the book club meets from 6 to 8, 18h à 20h. Oh, and a great thing. If you've never been to the Alliance, go to the Petit Déjeuner, on Saturday, January 5th, from 9:30 until 10:30 a.m. The Alliance Française, once again, is at 113 First Street North in Minneapolis in the warehouse area. They have an authentic baguette and croissant and all the goodies, plus a wonderful chance to speak French and to just become acquainted with what's happening over there. Sunday, the 6th, a film for children, Fanfan la Tulipe. Monday, winter sessions begin. Thursday, you can have an apéro at the University Club and speak French. That's the University Club in St. Paul. St. Paul, yes. The one on what Summit? Off Summit Avenue. Off Summit. Yeah. Mm-hmm. Friday, 7 p.m., the Cine Club, and we still don't know what's being offered, but that's at 7 p.m. and great fun. And so this is Friday. Friday the 11th. The 11th, mm-hmm. And so you just call the Alliance to find out what film you it is. You can call the Alliance. They usually have some very good films. 612-332-0436. And then on the 12th, that is really going to be fun. That's going to be held at the Cedar Cultural Center. That's right near our station on Cedar and, if you go to Riverside. If you go to Cedar Riverside, yeah, you'll be within viewing distance of the Cedar Cultural Center. You can see, if you stand at the corner, you can see KFAI on the one hand, and then you can see Cedar Cultural Center on the other. Well, they're combining the concert of Dan Newton's Café Accordion Orchestra, which is going to be wonderful, and the Galette des Rois, King's Day. And so there's a price break for members of the Alliance, and you might be one of the lucky ones when you get your morceau, your fev, piece over your there. Fev, yep. You might find La Fève, the little bean inside, and be declared the king or the queen, and get to wear the golden crown. Well, and by the way, I mean, Dan Newton is, they're actually bringing out a new CD. Oh, this is I think it is it has something to do with them bringing out a new CD, Well, that's going to be on the 12th. Yep. Mm-hmm. And also, there will be 5-week classes, including French for Travelers, Kings and Queens of France, and great review classes at the Alliance starting up. Let's see what else we have. Oh, a recital of Chopin with John Muller, Sunday, January 20th, 3 p.m. It's at the Alliance Française. There is a charge. The Alliance Française members do get a price break. You can reserve your place by calling 612-332-0436. So you need to reserve your place there. Seating is limited. They're still offering Christmas Yule logs for Alliance Française member, Bûche de Noël, the traditional Yule cake, at Sofitel and at Chez Arnaud, who has how many? 3 now bakeries in town? Yes, but this is a Yule log. I'm sorry about that. It's been stopped the 31st. Oh, okay. Well, that's what I thought. If they still have Yule logs, then they should be 70% off, just like the other ornaments that are being sold right now to get rid of the Christmas stuff. But okay, so Yule log, forget it till next year. So there's a tour of the Guerrier Chinois at the Minneapolis Institute of Arts, the Terracotta Warriors, Thursday, January 17th, 6 p.m., in French, reserved for Alliance Française members only, and there is a price for that. But you need to reserve your place ahead of time because it is limited. 612 332 0436. Let's see, I think we're... That's... Oh, one more. Michael Haneke, Agent Provocateur, is... His films will be appearing Mondays and Tuesdays in January at the Trilon Micro Cinema, 3258 Minnehaha Avenue in Minneapolis. His newest film is called Amour, which will be hitting theaters this month. He's a controversial filmmaker, and the Trilon is a small theater but very comfortable. Have you been to that one? No, I haven't yet. Have you? No, I haven't. I hear there's 50 rocker chairs and 35 millimeter projectors, so they have the latest technology. Well, I don't know if 35 millimeter projectors are the latest technology. Well, I think it's the CDs. Show the older ones. It's a digital. It's a digital projector. Yes. Okay. So it's a good touch of nostalgic films. Yeah. Then. Right. C'est tout. Alors, on va revenir à notre musique. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Alors, quelque chose de moderne. C'est Daphné et elle a deux chansons. D'abord, Petite cantate. Ensuite, Parce que je t'aime. Et sinon, on a le temps, il y a un troisième, mais on verra. Petite cantate du bout des toits, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile. Si mi la ré sol do fa, mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile fa sol do fa. Je te revois souriante assise à ce piano là. Disons bon je joue, toi chante, chante chante là pour moi. Si mi la ré si sol do fa, si mi la ré si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière là, la la la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate comme nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Je préfère m'en aller. C'est mieux, bien mieux de se quitter afin que ne meure le temps d'aimer. C'est parce que j'ai peur de voir s'endeuiller les minutes, les heures, les secondes passées. C'est parce que je sais qu'il faut un presque rien pour défaire une nuit et se perdre au matin. Je ne laisserai pas pencher sur notre lit ni l'ombre d'un regret, ni l'ombre de l'ennui. Je ne laisserai pas mourir au fil des jours ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour, pour qu'il ne soit jamais emporté par le temps. Je l'emporte moi-même, il restera vivant. Oh, laisse-moi. Si je t'aime, mais je préfère m'en aller. C'est mieux, tu sais, de se quitter avant que ne meure le temps d'aimer. J'en ai vu comme nous qui allaient à ballant et portaient leur amour comme on porte un enfant. J'en ai vu comme nous qui allaient à ballant et tombaient à genoux dans le soir finissant. Je les ai retrouvés furieux et combattants comme deux loups blessés. Que sont-ils maintenant? Ça, je ne veux pas. Je t'aime. Je ne veux pas nous déchirer. C'est mieux, crois-moi, de nous quitter avant que ne meure le temps d'aimer. C'est mieux, mieux de nous quitter avant que ne meure le temps d'aimer. We heard Daphne in two songs. The first one, Petite Cantate, little, what is the cantate? And cantata. And the other one was Parce que je l'aime. And both, so both are actually an homage to Barbara, the great singer Barbara, who disappeared also about 15 years ago. 1997, and she tries to, in her own way, she tries to produce homage in songs that she sings in her own fashion. I mean, it's not just like trying to imitate Barbara, but so it's these are very sweet and melodic ways in which she presents the material that Barbara has sung and composed, well, many years, at least over 15 years ago. So, now we are trying to get another section of the oysters, and if it works, it works, and if not, then it's kind of difficult to find exactly the point where we re-enter the. On va voir. And let's see how it goes. Ah.